toujours adoré ces petits moments de calme avant la tempête. Enchanté, comment allez-vous? Vous connaissez l'histoire du loup, celui qui souffle et puis il souffle à en faire sauter le verrou. Le nombre d'efforts dépend des jours. Ne pas blaguer quand t'échoues, tu le feras quand tu seras fou. Que tu seras tombé dans les choux si t'entends pa pa pa. Suivi de wa wa wa. Sortez WhatsApp, l'équivalent du 911. Frérot, capte ma voix, j'arrive en 4x3. Mon plan, je le mène comme si je sortais d'un manoir bavarois. Ouais, j'arrive chez toi sans un grincement. Tu te réveilles pas en te pinçant. Si je rappe, je laisse ton salon dans un bain de sang. J'ai fait de la route en 15 ans. Parle pas Dolce Vital. Karma met des balles en plein sang. Du lobe occipital. Frérot, c'est pas Chiquita. Ouais, je te vois, t'as l'air du bitat. Je mène la vie d'artiste et j'ai des sons qui tu qui datent. Les leurs c'est du pipi tcha, viens pas parler quand je flex. On a tout gravé dans le texte. Le ciel s'assombrit, tous les chats sont gris. Rapper toute la nuit, mission accomplie. Le ciel s'assombrit, tous les chats sont gris. Rapper toute la nuit, mission accomplie. Regarde, j'ai le talent pour faire bouger les alentours. Quand j'aime tout donner, en attendant rien en retour. On crache des flammes avec des faces, des calembours. Inarrêtable, on rentre dans le tas et ça te rend fou. Ma gueule, j'ai le talent pour faire bouger les alentours. Quand j'aime tout donner, en attendant rien en retour. On crache des flammes avec des faces, des calembours. Inarrêtable, on rentre dans le tas et ça te rend fou. Je me souviens de cette époque où tout au début j'écrivais dans le boîte. Mis sur le côté on se sentait dénigré sans maille. Délivré des messages et l'idée quand je rappe dans le crâne. J'ai des propos plus secs que la patate de Mickey dans Snatch. Après 10 piges d'essai j'ai décidé d'être zen. Faire exister mes 16 ans sans vibrer des scènes. Sans éviter l'excès mais je reste discret. Même quand on me dit t'as mis le feu. Je passe de l'ombre à la lumière comme un métro de la ligne 2. Ma gueule faut croire en soi, garder le cap mon ami. Tu sais ceux qui ne croyaient pas en moi veulent des cartons d'invite. J'écris toute la noche noyé dans un tonneau. J'avancerai pas la tête baissée sauf pour charger comme un taureau. À chaque face un rap cache un massacre en approche. Et le carnage m'arrache cache une calage dans ma gorge. Vous croyez quoi, je laisse pas ma place alors que j'ai tout à prendre. Inarrêtable, je serai sans limite comme l'autoroute allemande. Le ciel s'assombrit, tous les chats sont gris. Rapper toute la nuit, mission accomplie. Le ciel s'assombrit, tous les chats sont gris. Rapper toute la nuit, mission accomplie. Ma gueule, j'ai le talent pour faire bouger les alentours. Quand j'aime tout donner, en attendant rien en retour. On crache des flammes avec des faces, des calembours. Inarrêtable, on rentre dans le tas et ça te rend fou. Ma gueule, j'ai le talent pour faire bouger les alentours. Quand j'aime tout donner, en attendant rien en retour. On crache des flammes avec des faces, des calembours. Inarrêtable, on rentre dans le tas et ça te rend fou.